15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestation d'Antoine Graton et DJ set dédié. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. Ici Jean-Paul Lallier, maire de Québec. Vous écoutez actuellement CKRL MF 89,1. La radio qui vous écoute aussi, qui vous respecte. En fait, dans mon travail, j'ai des sollicitations de partout pour écouter la radio. Et pourtant, c'est celle qui me rejoint souvent, plus que toutes les autres. Bienvenue et restez-y. Cette semaine, au Grain de Sable, j'aurai un entretien avec Louis Gill sur la dette souveraine en première partie d'émission. Puis Nicole Moreau aura... De son côté, un entretien avec la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Julie Méville-Deschênes, sur le plan Nord, en deuxième partie d'émission. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable, je vous le rappelle, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, mieux connue sous le nom d'Attaque Québec. Pour la prochaine heure, nous vous proposons d'abord une entrevue avec Louis Gill sur la question de la dette souveraine, puis Nicole Moreau fera une entrevue avec Mme Julie Méville-Deschênes du Conseil du statut de la femme. Mais d'abord, on écoute 20 piastres de Austin One and James sur la compilation Je rappe tout seul, quand j'en arrache. Au moins que le zéro derrière le 1 dans la colonne gauche. Pas de crédit d'impôt, grosse taxe sur ta piole. Avant je te payais facile une tank dans le tapis pour ta maxima taupe. Une assiette de bin, du zéro pour le déj, c'est une tourtière avec ta bière et puis la caissière ta type. À soeur d'un taverne, jamais deux titres. Frais ta tête, à waitress, te check comme si t'avais la lèpre pis l'hépatite. Tu me donnes du déshonneur, les bronzes ils s'encrissent m'avoir le Dow Jones qu'on m'asseoir, mais ça tu vas pas le savoir. Oh, bah je te paye même pas ton cob. T'es coupé du nord comme ton crédit dans leur coffre. Ils t'offrent un char, investi dans ton hypothèque à place de payer la plasma pour rentrer leur petit gros chèque. Ça spécule des bulles sous l'océan, des bungalows, des tonnes d'accro au crédit comestible qui vous donne d'assaut. Après ils pointent ta peau, référençant les normes fachos. Le ratio d'art du tableau t'éclate dans la face comme une chatte du chapeau. Y'abuse à vos parcs pour un parc de Monaco, en chantonnant du Charles Aznavour. Même les riches sont tristes, résatisfait l'appétit. Apathie face au petit vin qui traîne, passe au cash crédit. Pointez-vous le visage, une inflation. One overdose, c'est scrap qui vont voir Oxfam. La seule place où est-ce que je vaux quelque chose. Oh non, mon bonheur baisse peu à peu aux yeux du monde. C'est ma faute à moi, j'ai réboi à tout le monde. 4 comme moi, puis ça commence à être bon. Vive le billet brun, y'a les autres. J'en suis ceux qui ont rien que 20 places, ils sont cassés. Ils disent que j'ai encore quelque chose, mais que c'est pas. C'est dire que j'valle 3 flasques de chocolat. Dans le temps, j'valais plus qu'une petite fiole de chèvre. Quand j't'attends, j'fais de quoi à boire, mais j'te laisse sur ton appétit. Une bière, plus de pourboire et je m'affaiblis. Joseph, il veut un autre bébé, et je me sacrifie. Un autre voix pour le droit ennemi. Celui qui me donne, se sent généreux à soir. Et les quêteux, eux sont toujours heureux de me voir. Pis flotte et je n'en perds encore. J'vaux même pas un abonnement annuel au devoir. Pense ouais, j'suis loin de trouver ça rose de voir tomber jusqu'à ce point-là. J'me dis que j'suis pas un saint, pis là j'me sens moins proche. Oh non, c'est pas drôle de voir tomber jusqu'à ce point-là. Deux petites dans sa 10, pis ça mord dans plein force. Thank you. Voilà, c'était la chanson Hosty One and Jam, pardon, 20 piastres du groupe Hosty One and Jam. Ça, c'est sur la compilation Je rappe tout seul quand j'en arrache. Une compilation qui est parue l'an passé, si je me rappelle bien, mais qu'on peut se procurer, qu'on peut toujours se procurer sur Internet. Je mettrai d'ailleurs le lien vers l'endroit où on peut se la procurer sur notre blog. Louis Gil, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, Louis Gil, vous êtes économiste. Vous avez écrit notamment l'ouvrage. Attendez un petit peu, un ouvrage Rembourser la dette publique, la pire des hypothèses. Il y a quelques années, vous avez écrit plusieurs billets aussi sur toute cette question de la dette publique, cette question des finances. Mais cette semaine, sur le blog de l'IRIS, vous avez écrit un billet qui s'appelle, que vous avez intitulé « Dette souveraine légitime ou illégitime ». C'est ça. Dans un premier temps, parce qu'on entend beaucoup plus souvent la notion de dette publique, peut-être expliquer pour le bénéfice de nos auditeurs ce que vous entendez par la notion de dette souveraine. Écoutez, c'est exactement la même chose. Quand on parle de la dette souveraine d'un pays, c'est sa dette publique. Il y a peut-être une petite différence, c'est que quand on parle, par exemple, de la dette du gouvernement du Québec, on ne parle que de sa dette à lui, alors que quand on parle de la dette souveraine, en général, d'un pays, on parle de la dette du gouvernement central, à laquelle s'ajoutent les dettes des gouvernements de paliers inférieurs. Alors, c'est la même chose. Par exemple, au Québec, la dette souveraine du Québec, ce serait la dette du gouvernement, et à laquelle on ajouterait la dette des paliers inférieurs du gouvernement, c'est-à-dire municipalité, administration publique, etc. OK. Et la dette du fédéral aussi, j'imagine? Oui. Ben alors, la dette du fédéral, donc, comme c'est un État, alors que le Québec n'est pas un véritable État au sens strict du terme, la dette souveraine du Canada, elle comprend la dette du gouvernement du Canada, mais également la dette de l'ensemble des provinces et territoires et des autres administrations publiques, comme les municipalités, etc. On parle souvent de la hausse de la dette publique et de la dette souveraine sans la mettre en rapport avec le PIB, le produit intérieur brut. Pourquoi ne peut-on pas parler de l'une sans l'autre? Mais tout simplement parce que, je vais vous donner un exemple. La dette du Québec, par exemple, à la fin de la dernière année financière, c'est-à-dire le 31 mars 2012, elle était de 185 milliards de dollars. La dette du Canada, au même moment, elle était de 840 milliards de dollars. Alors, si on compare seulement les chiffres absolus des dettes, on en conclut facilement que la dette du Canada est beaucoup plus élevée. Mais, en fait, le rapport entre les deux est de 4,5. Mais si on considère maintenant la taille des deux économies, c'est-à-dire l'économie du Québec et celle du Canada, dont le Québec fait partie, à ce moment-là, le Canada, c'est 5 fois le Québec. Ce qui veut dire que si on rapporte la dette dans chaque cas au produit intérieur brut, à ce moment-là, on obtient pour le Canada 49%, sa dette représente 49% de son produit intérieur brut, alors qu'au Québec, sa dette représente 55% du produit intérieur brut. Alors, une dette qui est beaucoup plus élevée dans le cas du Canada donne un résultat, en fait, relatif moins élevé lorsqu'on le rapporte à la taille de l'économie. On ne peut jamais mesurer, en fait, une dette sans la rapporter à la taille de l'économie. Oui. Je comprends que c'est pas du tout du même ordre, c'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu comme, malgré tout, c'est un peu comme les individus, c'est-à-dire que, évidemment, plus nos revenus sont élevés, plus on peut être endetté. Exactement. On pourrait dire, par exemple, que une personne qui a un revenu de 100 000 $ par année peut facilement avoir une dette, disons, tous engagements financiers compris, c'est-à-dire l'hypothèque et la dette personnelle, peut avoir une dette, disons, de 100 000 $ également. Alors, ça veut dire à ce moment-là que le rapport de sa dette à son revenu, c'est 100%, alors qu'évidemment, si on considère maintenant une personne dont le revenu est de 50 000 $ ben si cette personne-là avait la même dette, ben elle serait deux fois plus endettée. Dans votre billet paru, je le rappelle, sur le blog de l'IRIS, l'Institut de recherche socio-économique, d'ailleurs nous avons reçu Evelyne Couturier la semaine passée de l'IRIS, dans votre billet, vous écrivez que la question de fond qui est posée par l'explosion des dettes publiques des récentes années est celle de la légitimité de ces dettes. Pourquoi la légitimité? Pourquoi la légitimité? Eh bien, parce que, en fait, il faut savoir, quand on parle de la dette, qu'on dit que le Québec, par exemple, est très endetté, souvent, des idéologues et le gouvernement sautent rapidement à une conclusion qui est invalide. La conclusion, elle est faite que si on a une dette, c'est parce qu'on a vécu au-dessus de ses moyens. C'est parce qu'on a trop dépensé par rapport à nos revenus. Alors que, évidemment, la question se pose toujours de savoir est-ce que ce sont les dépenses qui sont trop élevées ou est-ce que ce sont les revenus qui sont insuffisants. Et comme au cours des dernières années, en fait, des dernières décennies, depuis le début des années 80, les gouvernements à travers le monde ont procédé à des réductions des impôts, des entreprises, ainsi que des plus riches, les gouvernements se sont privés de revenus et se sont endettés. Et maintenant que l'endettement, et ça c'est une des causes, parce qu'il y a eu aussi d'autres causes de l'endettement, en particulier, on sait que il y a l'évasion fiscale, le fait que des individus et des entreprises cachent leurs revenus ici au Québec ou au Canada pour les faire inscrire ailleurs où le taux d'imposition est moins élevé, ce qu'on appelle donc l'évasion fiscale. Et puis on sait aussi que les gouvernements, depuis la crise qui a été déclenchée en 2007, ont investi des quantités faramineuses de fonds pour relancer l'économie, pour sauver du désastre les entreprises financières et industrielles et commerciales qui ont été frappées par la crise. Alors qu'on sait très bien que la responsabilité fondamentale de cette crise, elle n'est absolument pas attribuable à la population, parce que la population, c'est elle qui en supporte les plus importantes conséquences. Mais maintenant, c'est à elle qu'on demande, en quelque sorte, de payer pour les pots cassés. C'est pour ça qu'on dit que la dette, dans une large mesure, est une dette illégitime. Donc, la hausse quand même assez vertigineuse en 30 ans, elle est due en bonne partie à un choix qui a été fait par les gouvernements de diminuer les revenus, mais aussi au taux d'intérêt, si je comprends bien. Au taux d'intérêt également, parce que on sait que, d'une part, il y a deux facteurs qui ont influencé l'évolution à la hausse des taux d'intérêt. Par exemple, dans les années 1980, on sait qu'on est passé à une politique dite monétariste, c'est-à-dire que c'est ce qui a été instauré, disons, dans la plupart des pays du monde, mais à l'instigation de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. On se réfère toujours à Ronald Reagan aux États-Unis et à Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui ont initié ce qu'on appelle la période du néolibéralisme. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'on est passé, disons, à un autre genre d'économie qui fait beaucoup plus de place à la libre entreprise et puis qui a aussi déréglementé, réduit les impôts, supposément pour stimuler l'offre de travail, l'offre d'épargne et d'investissement. Et donc, on est arrivé à cette situation avec laquelle on doit vivre aujourd'hui. Alors, ce qui fait que au début des années 1980, on a connu, les jeunes ne s'en souviennent pas, mais moi je m'en souviens très bien parce que la première maison que j'ai achetée à cette époque-là, pour la financer, j'ai pris une hypothèque qui me coûtait un taux d'intérêt de 20%. Oui, je m'en rappelle aussi. Oui. Hein? Oui. Alors, c'était donc les taux d'intérêt étaient absolument très élevés. Et ça, c'est un autre élément de l'illégitimité de la dette qui a été constituée à cette occasion-là, parce que, en fait, les grands profiteurs de ces taux d'intérêt très élevés, ce sont les prêteurs financiers, donc ceux qui pouvaient déjà disposer de sommes épargnées, et en grande partie, ces sommes épargnées l'avaient été parce que ces mêmes individus avaient pu profiter de taux d'imposition réduits dans la même philosophie du néolibéralisme. D'ailleurs, dans votre billet, vous donnez l'exemple de la Grèce. Vous soutenez, parce que là, vous dites qu'elles ont été les institutions financières, elles ont profité, elles ont été soutenues par les États, elles ont aussi profité, finalement, des changements que les États ont fait, que les gouvernements ont choisi volontairement de faire. Vous écrivez, vous soutenez que les banques sont les grandes gagnantes de cette restructuration de la dette grecque. En quoi sont-elles gagnantes? Et à contrario, la population grecque est-elle perdante? C'est parce que la Grèce étant dans une situation absolument catastrophique après deux plans de relance, en octobre 2011, il y a eu un nouveau plan de relance de la Grèce, mais avec la pression internationale des organismes internationaux, les banques créancières de la dette grecque se sont trouvées plus ou moins obligées de contribuer elles aussi en acceptant de radier 50%, un peu plus de 50% de la dette qu'elle détenait de la autrement dit, l'État grec était endetté auprès de ces banques-là. Disons que l'État grec est endetté pour, mettons, 100 milliards d'euros, et à partir du moment où l'entente a été conclue, les banques ont accepté qu'on leur rembourse 50 milliards d'euros. Alors, ça veut dire qu'en fait, elles ont perdu 50 milliards. Alors, à première vue, on pourrait dire que les banques ont été défavorisées. Mais au moment où ça s'est produit, les titres de dette de la Grèce se vendaient sur le marché secondaire à 10% de la valeur. Alors, si les choses n'avaient pas été changées, à ce moment-là, tout ce que les créanciers privés, les grandes banques, auraient pu faire, ça aurait été d'écouler leur dette grecque à 10% de la valeur. Alors, en vertu du plan, elles ont obtenu 50% de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un réchelonnement de la dette avec de nouvelles échéances, et on a, autrement dit, échangé une dette de 100$ pour une dette de 50$. Donc, les banques se sont retrouvées avec 50$ plutôt que 10, comme ce qui serait arrivé si elles avaient dû le vendre sur le marché financier. Donc, les banques ont été les grandes gagnantes de cette restructuration. Et il faut dire aujourd'hui que il y a un rapport du Fonds monétaire international qui vient à peine d'être publié il y a quelques mois, qui explique que est également répercuté dans les pages de la revue britannique conservatrice The Economist, c'est que pour sauver la Grèce, ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Et pour ces personnes-là qui se sont penchées, qui sont des financiers, des gens dont qu'on ne peut certainement pas soupçonner comme ayant des idées de gauche, on explique que la seule et unique manière d'en sortir pour la Grèce, c'est que la totalité de sa dette soit radiée, et y compris la dette qui est contractée auprès des organismes publics, comme par exemple la Banque centrale européenne ou les gouvernements des autres pays. Autrement dit, on demande pour la Grèce un traitement semblable à celui qui a été accordé dans les années 80 aux pays très endettés du tiers-monde, qui n'ont pu se sortir de la dèche que par le fait que leur dette a été carrément radiée. Alors voilà, ça complète un peu le portrait, là, parce que c'est une question, donc la radiation de la dette, qui va devoir se poser pour bon nombre de pays, parce qu'on ne semble pas du tout être en voie d'une amélioration à ce niveau, et d'autres pays comme le Portugal, pas l'Espagne, même si l'Espagne est beaucoup mentionnée dans l'actualité de ces temps-là, le niveau de la dette espagnole est encore relativement bas par rapport, par exemple, à celui du Portugal ou de l'Irlande, qui ont été secourus par les organismes comme l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Il y a un aspect intéressant que vous soulevez dans votre billet, c'est une proposition de démarche préalable de vérification comptable démocratique citoyenne des composants de la dette. Je crois que c'est en Grèce. En quoi consisterait une telle démarche? Ben là, il s'agirait et ça s'est fait dans certains pays, il s'agirait d'identifier, de faire donc une étude méticuleuse des différentes composantes de la dette, une identification méticuleuse des détenteurs de cette dette, et d'en arriver à dire, bon ben voilà, on radie une partie de la dette, mais on radie cette dette parce qu'on considère qu'elle a été, par exemple, toute cette dette qui a été contractée dans différents pays à l'occasion, disons, dans la période de très haut taux d'intérêt. Ce sont des financiers qui en ont profité. Alors, il s'agit de voir si on peut identifier quelles sont ces personnes et, à ce moment-là, considérer que ces personnes-là ou ces organismes-là ont été largement rétribués pour les prêts qu'ils ont faits. Et à ce moment-là, on déciderait de radier cette dette-là. Vous avez commencé à en parler, en fait, donner des éléments de réponse, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est possible de sortir de l'endettement, de cette espèce de cycle d'endettement illégitime? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se produise? Bien, je pense qu'au minimum, il faudrait que l'État regagne le contrôle, par exemple, en s'assurant les revenus nécessaires. Parce que quand on décide, par exemple, il y a un choix social qui est fait. Les gouvernements sont élus sur la base d'engagements électoraux. Ça inclut, par exemple, divers programmes sociaux. Quand le gouvernement du Québec décide de créer, par exemple, 15 000 nouvelles places de garderie, c'est un engagement social. Alors, cet engagement social, il faut le financer. Et pour le financer, il faut que le gouvernement ait des revenus et qu'il aille les chercher. Alors, on a vu, par exemple, tout de suite après l'arrivée au pouvoir du gouvernement du Parti québécois, qu'il y avait des engagements qui avaient été pris pour aller chercher les fonds nécessaires pour répondre à ces engagements. Et puis finalement, le gouvernement a reculé sur un bon nombre de ces engagements-là, ce qui montre que il y a des intérêts fondamentalement divergents au sein de la société, et puis que les gouvernements qui sont élus, évidemment dans le cas du Parti québécois, il faut reconnaître que sa majorité est tellement faible qu'il n'a pas la latitude voulue pour faire nécessairement tout ce qu'il aurait voulu faire. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a des intérêts divergents au sein de la société, et il faut absolument que la population se réveille et qu'elle en arrive à imposer les moyens qu'il faut pour éviter cette spirale de l'endettement, parce que c'est un fait que l'économie, à travers le monde, au cours des 30 dernières années, a été artificiellement propulsée par l'endettement. Les taux de croissance qu'on a connus, qui ont été relativement élevés, disons, jusqu'à ce que la crise éclate en 2007-2008, ils ont été, ces taux de croissance, propulsés par l'endettement. On sait que, vous l'avez mentionné vous-même tout à l'heure, depuis les années 80, l'endettement général des pays, écoutez, il est passé de 40% en 1980 à 72% en 2000, et il est aujourd'hui de l'ordre de 115% du PIB. Donc, ce que ça veut dire, évidemment, j'exclus la période, disons, d'après 2009, parce que là, il y a une situation particulière qui découle d'une situation de crise. Mais l'endettement des années qui ont précédé le déclenchement de la crise, c'est un endettement qui montre que la croissance économique, elle a été propulsée de manière purement artificielle. Alors, il y a moyen de remédier à ça et de s'assurer que lorsque des décisions sont prises, lorsque des objectifs sont retenus comme objectifs sociaux, qu'il faut s'assurer qu'on ait les moyens de les financer. Et ça veut dire qu'il faut revenir à une situation plus normale de financement, celle qui existait, en tout cas, avant le début de l'époque néolibérale. Bien, merci beaucoup, Louis Guil. En fait, on a des choix collectifs à faire et vous avez donné des pistes, en fait, en faveur de ces choix collectifs. Souhaitons que les gens, à la suite de notre entretien, continuent d'y réfléchir et aillent sur le blog de l'IRIS lire votre billet, lire aussi vos ouvrages. Je les mettrai en lien sur notre propre blog, le blog de l'émission. Et souhaitons donc qu'on puisse enfin trouver des solutions, parce que on a l'impression qu'on s'en va vers un abîme sans fin. Vous avez tout à fait raison et je partage vos vœux. Merci beaucoup et à une prochaine sans doute. À une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était l'économiste Louis Guil sur la question de la dette souveraine ou de la dette publique, la question de la légitimité de la dette. On écoute Carpet dans la chanson Militant. Dessus, quand je leur ai chanté les pâquerettes que j'avais achetées pour Arlette le matin même au bout de la rue. Si c'est pour nous, Comte et Fleurette, que tu viens t'empicher chez nous, la chanson c'est un truc sérieux. Soit tu t'engages, soit tu t'en fous. Alors, rentre chez toi et répète 100 fois. J'emmerde les bourgeois et leur gouvernement. Et puis j'emmerde tous ceux qui sont pas militants. parce qu'ils ont pas les couilles le dimanche matin de venir se jouer les burnes à la manif du coin. Après je me suis fait rouer quand j'essayais ce poème que j'avais écrit pour la même qui m'avait valu le courroux. Les piliers de ce bar qui trône en ayatollah du comptoir. Prends position mon petit bonhomme, t'écris de la merde, deviens un art. Alors rentre chez toi et répète mille fois. J'emmerde les bourgeois et leur gouvernement. Et puis j'emmerde tous ceux qui sont pas militants, parce qu'ils ont pas les couilles le dimanche matin de venir se jeter les burnes à la manif du coin. Allez, avec les doigts. Voilà, c'était un extrait de la chanson du groupe Carpathe Militant. Et on passe maintenant à l'éditorial de Claude Vaillancourt. Vous le savez, chaque semaine, Claude Vaillancourt nous fait un éditorial. Et pour son premier de l'année 2013, il nous parle des rapports du FMI et du Forum de Davos paru cette semaine. Justement, on en parlait tantôt, là, en tout cas celui du FMI avec Louis Gill. Alors, on écoute l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, les médias nous ont transmis des nouvelles étonnantes. D'abord, on nous a appris que les mesures d'austérité sont un échec. Ensuite, que les écarts de revenus et les changements climatiques étaient les principaux risques mondiaux. Rien de très nouveau là-dedans. Il semble évident pour nous que les mesures d'austérité, qui créent toujours plus de pauvreté, ne peuvent pas relancer l'économie. Un sentiment de justice élémentaire nous dit que les inégalités records qui existent aujourd'hui sont fondamentalement inacceptables. Il est tout aussi clair que les changements climatiques doivent être combattus en priorité à cause de leurs effets destructeurs. Alors pourquoi faire des manchettes avec ce que nous répétons depuis des années? Parce que cette fois, elles proviennent de deux des plus puissantes organisations de la mondialisation néolibérale, le Fonds monétaire international et le Forum économique mondial de Davos. L'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, assisté d'un autre compère économiste, Daniel Lee, a produit la première étude sur l'austérité. Le rapport du Forum de Davos aurait été conçu, quant à lui, par un groupe de 1000 experts de l'assurance. Il s'agit dans les deux cas d'un désaveu majeur de politiques adoptées depuis l'origine de ces institutions. Rappelons le cas du FMI. Il s'agit de l'organisation qui a imposé à la fin du 20e siècle les fameux plans d'ajustement structurel, des plans qui ont forcé les pays pauvres et endettés du Sud à réduire le plus possible les interventions de l'État pour privilégier le remboursement de la dette. Ces plans ont causé tellement de mal qu'ils ont quasiment entraîné la perte du FMI. Personne ne voulait plus avoir affaire à lui ou lui emprunter de l'argent. Jusqu'à ce qu'il soit sauvé, en 2009, par le G20. Il a alors recommencé à intervenir avec les mêmes recettes, mais en Europe cette fois. Et maintenant, le FMI nous dit qu'il s'est trompé. Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Le Forum économique de Davos, quant à lui, est le rendez-vous très sélect des puissants de ce monde, gens d'affaires et chefs d'État. Pauline Marois a d'ailleurs annoncé qu'il y serait cette année. Ce forum rassemble ceux qui profitent des inégalités, le fameux 1% dénoncé par les indignés et dont les politiques qu'ils ont inspirées ont justement contribué à accroître les inégalités. Et ce sont ces gens qui vont se mettre tout à coup à s'en émouvoir. Ces prises de conscience du FMI et du Forum de Davos arrivent tout de même à nous questionner. Est-ce que les deux textes qu'ils viennent de produire marqueraient le début d'un changement d'orientation qui mènerait à plus de justice et à une meilleure préservation de l'environnement? Est-ce qu'il s'agirait ici d'un virage majeur? On constate que les conclusions de ces rapports sont motivées par des questions d'argent. L'austérité coûte plus cher que prévu, d'après le FMI, de même que les risques provoqués par les inégalités et les changements climatiques engendreront des coûts importants. Mais justement, les motivations financières ne sont-elles pas celles qui sont les plus aptes à faire changer les choses? De la théorie à la pratique, cependant, il y a un écart immense. On se rappelle que lors de la crise de 2008, on avait posé les bons diagnostics. Le problème, c'était la déréglementation, les entreprises « too big to fail » et le trop grand pouvoir de la sphère financière. Mais malgré ça, on était incapable de trouver les bonnes solutions.

et dans le domaine public depuis longtemps, là, comment le changer? Mais pour répondre à votre question plus sérieuse, c'est justement pour ça qu'on a écrit un avis, parce qu'il nous apparaissait que dans cette politique publique très importante, on parle d'investissement de 82 milliards de dollars, il nous apparaissait donc que il n'y avait pas une place évidente pour les femmes. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour des raisons évidentes. C'est que les emplois les mieux payés et ceux qui seront créés se retrouvent dans deux catégories principales, la construction et les entreprises minières. Et dans le domaine de la construction, on le sait, c'est un fait connu, les femmes sont très très peu présentes, on parle de 1,2% des ouvrières. Et donc des métiers non traditionnels, pas les femmes. Parce qu'effectivement, ce sont des métiers non traditionnels, mais même comparé à d'autres métiers non traditionnels, quand on voit qu'il y a à peu près 1,2% de femmes dans la construction, on parle de 2000, donc c'est rien du tout. Et ce n'est pas seulement, c'est un peu trop facile de dire, c'est parce que les femmes ne sont pas intéressées par ce métier-là. Il y a toutes sortes d'obstacles qui fait que c'est très difficile d'y entrer. Donc ça, c'est pour la construction, parce que vous le savez, le plan Nord, pour le développer, il faut construire des routes, il faut construire toutes sortes de choses. Mais il y a aussi les entreprises minières, autres domaines non traditionnels pour les femmes. Et dans ce cas-là, il y a un peu plus de femmes, on parle peut-être à travers le Canada de 5% dans l'extraction comme telle et peut-être autour de 15% dans l'ensemble de l'industrie parce qu'il y a des emplois dans les bureaux et tout ça. Mais bref, à sa face même, quand on regarde ça, on se dit, si rien n'est fait, si on laisse purement l'économie libre fonctionner comme elle fonctionne, les femmes ne profiteront pas de ce boom économique. Donc, c'est pour ça qu'on a finalement lancé un peu un cri d'alarme en disant, oui, on pourrait faire des choses, mais il faudrait faire des choses maintenant pour que les femmes puissent en bénéficier. Alors effectivement, ça nous amène à la deuxième question qu'on se posait. L'emploi dans les secteurs miniers suppose des mesures particulières, mais lesquelles pour demeurer, pour y aller et pour demeurer dans ces milieux-là? Alors, c'est pas des questions très simples, hein, parce que ça serait trop facile de dire, ben là, on va obliger les entreprises minières à embaucher tant de femmes, puis tout va être réglé. Parce que le problème est plus profond que ça. En ce moment, on n'a pas de bassin suffisant de femmes qui veulent devenir manœuvres dans des mines, par exemple, pour pouvoir dire aux minières, vous embauchez tant de femmes. Donc, il y a un bassin très petit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une vraie révolution, si vous voulez, c'est parce qu'il faudrait que ces emplois-là soient valorisés dans les écoles, soient proposés aux filles. Il faudrait donc que les orienteurs soient formés pour ne pas dire, bon, ben ça, ce sont des métiers plutôt réservés aux hommes. Et il faudrait que tout ça existe pour que les filles sentent le désir d'aller dans les mines. Parce que ça commence un petit peu chez les ingénieurs. C'est intéressant parce que, bon, ça, ce sont des emplois où on va à l'université. Mais chez les ingénieurs, il y a plus d'ingénieurs dans le domaine minier. Et ça se voit, par exemple, dans des entreprises comme Xstrata Nickel, la mine Raglan, qui est très, très au nord. Il y a quand même à peu près 20% de femmes dans toute la mine, ce qui est mieux que pas mal d'endroits ailleurs. Et il y a pas mal d'ingénieurs, de femmes jeunes qui vont là-bas pour apprendre leur métier. Mais c'est beaucoup plus faible dans tous les métiers où on parle d'un diplôme plutôt professionnel. Et là, il y a moins d'intérêt pour les filles. Donc, oui, faut les intéresser, mais votre question est bonne. Faut-il des mesures spéciales pour inciter les minières à les embaucher? Est-ce que les femmes embauchées restent. Suppose, il me semble, un changement de culture. Oui, absolument, de culture et de mentalité, parce qu'en effet, ce qu'on me disait à la mine Raglan, pour que les filles survivent, par exemple, dans ce milieu-là, on essaie de tout le temps les placer deux par deux dans les équipes, deux par deux, même trois par trois, si je me rappelle bien, pour ne pas qu'elles vivent l'isolement dans un groupe d'hommes. Donc, vous avez raison pour la culture. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait minimalement que les entreprises minières soient obligées de présenter des plans pour accroître leur main-d'œuvre féminine et pour avoir des plans d'accueil, des plans pour s'assurer que cette main-d'œuvre est accompagnée. On parle peut-être de mentors pour que cette main-d'œuvre justement veuille rester. Et c'est pas d'être très idéaliste que de dire ça, parce que à Terre-Neuve, qui est quand même pas si loin de nous, il y a des plans comme ça qui obligent les grandes compagnies pétrolières à embaucher un certain nombre de femmes. On parle pas de 50% là. Mmh. On est dans des seuils qui sont raisonnables par rapport à la main-d'œuvre offerte, et on leur demande d'améliorer ces taux chaque année, et il faut qu'ils rendent compte publiquement de cette embauche, ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Nous, pour avoir des chiffres, là, ça a été un peu la croix et la bannière. Extraterre Nickel a été assez transparente, mais d'autres minières nous ont donné aucun chiffre. OK, donc des statistiques non différenciées selon les sexes. Exactement, on voulait savoir combien vous en embauchez de femmes, et donc ce qui est clair, c'est qu'en majorité, il n'y a pas de politique d'action positive, il n'y a pas de politique dans les minières pour s'assurer d'embaucher des femmes quand il y en a qui ont les compétences nécessaires. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que donc ça prend ce genre de politique qu'au Québec, on appelle l'obligation contractuelle, c'est-à-dire les entreprises qui bénéficient de certains avantages du gouvernement, et les minières en sont, devraient présenter des programmes d'action positive, notamment pour les femmes. Tout un chantier à venir. Oui, oui, oui. Et on s'entend, c'est pas le genre de mesure qui passe comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste, ça soulève des effectivement, on dit bon, les entreprises ont déjà beaucoup de taxation, déjà beaucoup de contraintes. Est-ce qu'on veut ça aussi? Nous, ce qu'on dit, c'est que si on n'a pas de mesures spécifiques, les femmes vont être oubliées. Ça suppose que peut-être que les femmes seraient comme contraintes d'une certaine façon, c'est mon terme à moi, là, à avoir des emplois dans les secteurs traditionnellement féminins, parce que si le Nord se développe, il va avoir des familles qui vont y aller, donc femmes, enfants, alors oui. Santé, services sociaux. C'est ça. Les secteurs traditionnellement féminins sont pas tous des secteurs payer et tout, là, tout dépend de quoi on parle, mais c'est évident que nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec un diplôme un diplôme professionnel, vaut mieux être opérateur de machinerie lourde à $30 de l'heure que être serveuse dans un restaurant au salaire minimum. C'est ce qu'on dit. Sauf que, donc effectivement, s'il y a un développement du Nord, il serait pour nous très important que les femmes aient accès à ces emplois. Il y a aussi d'autres emplois dans le secteur de la santé qui vont sans doute augmenter, donc des emplois sociaux liés à ce développement. Mais ce qui est important de savoir là, c'est qu'il y a d'autres barrières qui nuisent aux femmes. C'est que toute la crise du logement qui est énorme dans des villes comme Sept-Îles et même à Shefferville et aussi à Fermont, ben ça nuit d'abord aux femmes, parce que les femmes, en moyenne, gagnent moins que les hommes, et donc pour elles, la crise du logement est encore plus grave, et particulièrement grave dans des quand ces femmes sont des conjointes de mineurs, par exemple, parce que on le sait, les logements sont réservés aux mineurs, et s'il y a une séparation, s'il y a des problèmes, la femme, elle, c'est pas elle qui a le logement, c'est lui. Donc, ça crée toute une série d'insécurités pour les femmes. Ça veut dire que le c'est comme si c'était les compagnies minières qui avaient qui étaient propriétaires des édifices à logement. Oui. Okay. Un certain nombre de logements, dans le cas de Fermont, c'est le cas. Okay. Alors donc, ils les réservent pour leurs travailleurs, qui sont plutôt des hommes, donc ça place les femmes dans des situations précaires. Ça, c'est un type de situation, mais il y a aussi l'autre type de situation qui est ce qu'on appelle dans le jargon le « fly-in, fly-out ». C'est ces hommes qui, en général, viennent pour 3 semaines qui travaillent 3 semaines et qui retournent 1 semaine dans le sud. Alors, ça, ce que ça crée dans une communauté comme Fermont, où la mine d'ArcelorMittal est collée à la ville, c'est que ça crée une expansion de la population assez artificielle, avec des hommes qui n'ont pas de famille, et qui s'ennuie un peu en dehors du travail. Et parfois, c'est propice. On sait qu'il peut y avoir qu'il y a davantage de problèmes sociaux. Danseuses nues, de prostitution et de problèmes sociaux qui peuvent surgir parce qu'effectivement c'est une population qui est pas qui vit pas là à temps plein. Alors ça soulève des problèmes puis évidemment ces hommes-là peuvent retourner dans le sud après 3 semaines, un peu déconnectés de leur famille, donc ça leur fait des bons salaires parce que c'est bien payé, mais ça crée une espèce d'instabilité dans la famille et dans la ville qui est, selon ceux qui trouvent ça un peu difficile, envahie d'une certaine façon par des travailleurs. Alors, ça, c'est toutes sortes de problèmes sociaux qui affectent les femmes aussi, parce que on a parlé à beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux femmes sur la Côte-Nord, puis on disait que dans les Calax, notamment, on disait qu'il y avait une certaine augmentation du nombre de filles qui étaient agressées. Donc, moi, je prétends pas ici que... La violence familiale ou conjugale? Ou carrément dans la rue, là, la violence des agressions par par des travailleurs dans les mines ou dans les chantiers. Mais ceci dit, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus. C'est des tendances qui nous ont été rapportées par les Calax. Donc, ce qu'on a dit aussi dans notre rapport, c'est attention, il faudrait pas que ce développement nuise aux femmes de cette façon-là. Et il serait important de faire une étude sérieuse sur ça et d'essayer de prévenir, évidemment, ces choses-là. Et tout ce qui concerne l'inclusion des femmes autochtones dans les projets de développement, qu'en est-il? Ben, ça me préoccupe beaucoup. J'ai tenu à ce que la chercheuse fasse un travail particulier là-dessus parce que on a beau parler des femmes du Sud qui pourraient bénéficier de ce développement. D'abord et avant tout, celles qui occupent le territoire sont les Autochtones et historiquement en plus. Donc, moi, il me semble vraiment essentiel que les femmes autochtones soient la priorité et qu'on dise ces femmes-là doivent bénéficier de ce développement. Et pourquoi je trouve que c'est essentiel de le dire et de faire, de prendre des mesures en conséquence, c'est que ces femmes ne sont pas forcément représentées par leur conseil de bande. Les peuples autochtones sont représentés en général par leur conseil de bande, mais des femmes à qui on a parlé nous disent qu'on ne se sent pas toujours représentées par nos conseils de bande. Et elles vivent souvent dans des situations de précarité, avec des problèmes sociaux. La crise du logement les affecte davantage parce que c'est elles qui traditionnellement s'occupent des enfants, donc sont entassées dans des maisons parce qu'il manque de logement, et qui vivent des problèmes sociaux. Donc, ce qu'on se dit, c'est profitons de ce développement pour essayer de sortir les femmes autochtones de ce cercle vicieux. Et ce que ça veut dire, parce que elles vivent dans des situations difficiles, ça veut dire construire des logements d'une part, mais ça veut dire aussi offrir des formations ciblées. Mais aussi une nouvelle gouvernance, une gouvernance adaptée. Oui, alors ça, on va pas jusque-là dans notre avis parce que la gouvernance des Autochtones... Non, moi, je parlais en général. Ah oui, d'accord. Toute ethnie, si on peut dire ça comme ça, confondu. C'est ça, vous avez raison. Parce que la situation quand même des Autochtones, bon, même si certaines femmes se trouvaient peu représentées par les conseils de bande, il y a quand même tout un principe d'autodétermination. Mais en général, vous avez raison, pour que les choses changent, on pourrait se dire, est-ce que ça prend dans la gouvernance même du Clan Nord des femmes. Donc, vous le savez, dans ce nouveau gouvernement, la ministre des Ressources naturelles est une femme, ministre de l'Emploi et tout, Agnès Maltais. Il y a une première ministre qui a dit, après avoir pris le pouvoir, que le Plan Nord progresserait, mais qu'on essaierait d'en faire profiter la population. Moi, évidemment, dans notre conseil, on ne peut qu'espérer que les choses changent au plan de la gouvernance. Il y a une table des partenaires qui existe, et on pourrait certainement faire un effort pour que des femmes fortes y siègent et représentent les intérêts des femmes. Ça, c'est une chose. Et dans les sociétés minières, c'est le je vous dirais que c'est le secteur au Canada, un des secteurs où il y a le moins de femmes dans les conseils d'administration. Et chez Xstrata Nickel, on me disait que quand même il y avait des efforts de fait pour embaucher des femmes, aucune femme sur les conseils le conseil d'administration. Donc, ça en dit long sur le fait que c'est un monde d'hommes encore. Tout à fait. Mais moi, je posais cette question-là parce que il me semble que la gouvernance qui intégrerait des femmes serait plus sensible à des infrastructures sociales et à leurs nécessités. Donc, oui. Services de garde, école, peut-être formation à distance améliorée, mm-hmm. pour que les gens puissent rester sans problème jusqu'à ce qu'un diplôme leur soit décerné. Exact. À la formation. Alors, oui, moi je suis un petit peu moins, comment dire, c'est pas forcément parce que des femmes siègent à la table des partenaires que tous ces aspects-là vont être pris en compte, mais il faudrait peut-être donner un mandat particulier à la table des partenaires de prendre en compte ces questions-là. Et comme vous dites, ça dépend un peu de qui est nommé là, hein, ça, mm-hmm. on s'entend. Mais c'est vrai qu'il faudrait s'entendre pour justement que, parce qu'il y a aussi la question du décrochage scolaire à laquelle vous faites référence, pour s'assurer que les femmes puissent faire des diplômes reconnus qui leur permettent, oui, d'aller soit dans l'industrie minière ou un autre métier non traditionnel, mais une fois ce boom fini, qui leur permettent de continuer une carrière. Oui, qu'ils ne soient pas attachés à une entreprise, exact. Et à un poste. Oui, ça c'est très... Mais en même temps, il faut que ces formations-là soient données sur les lieux, particulièrement pour les Autochtones. Elles ne peuvent pas s'exiler. Non, ça c'est vrai. Alors, il y a toutes sortes de choses. Et en même temps, moi, ce que je me dis, c'est ne soyons pas, n'essayons pas de tout faire en même temps. Peut-être qu'on pourrait commencer par des formations dans un domaine où ça a assez bien marché à Shefferville. Là-dessus, madame. Oui. Oui. Alors, un exemple positif, à Shefferville, il y a une entreprise minière qui a embauché plusieurs femmes autochtones et la moitié des chefs d'équipe sont des Autochtones. Ah, c'est Et ça marche bien, elles ont de la crédibilité et on dit aussi beaucoup que les femmes seraient plus prudentes que les hommes comme opératrices de machinerie lourde. Alors peut-être que dans ces petits domaines... Ce serait payant pour les entreprises. Exactement. Et on n'offrirait pas des formations à tout, mais dans ces domaines-là où il y a vraiment de la demande et la formation se fait. Donc il y a de l'espoir en autant... qu'on travaille tous dans le même sens. Bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission Le Grain de Sable, Mme Miville-Deschênes. C'était fort intéressant. Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir. Voilà, ben merci. Merci, Nicole. C'était effectivement une entrevue fort intéressante. Madame Miville-Deschênes, finalement, on a pu discuter avec elle, vous avez pu discuter avec elle, et il y a beaucoup de travail à faire, si je comprends bien. Il y a beaucoup de travail à faire, si je comprends bien encore. Il y a un immense plan de travail à élaborer. Alors, merci, Nicole. On va se revoir donc dans un mois pour une autre chronique, une autre de vos chroniques fort intéressantes. Au revoir. Merci, au revoir, Michel. On poursuit avec donc l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. On va écouter une chanson d'une Inuit. On avait fait jouer une chanson assez triste d'elle à plus d'une reprise. Là, on va faire jouer quelque chose quand même d'un peu moins triste. C'est une chanson qu'elle a indiquée quelques années plus tôt. C'est Elisapi Isaac, et la chanson qu'elle a indiquée, elle s'appelle Inuk. On l'écoute. Thank you. Voilà, c'était Elisapi Isaac dans la chanson Inuk que nous n'avons pas le temps d'écouter au complet. Mais nous allons mettre cette chanson sur notre blog, le grain de sable qc.org. Donc, vous pourrez, un peu plus tard dans la journée, vers la fin de l'après-midi, vous pourrez écouter cette chanson. Vous pouvez aussi, dès la fin de l'émission, vous pourrez aussi réécouter cette émission si vous le désirez. Ou si vous avez raté une partie de l'émission, vous pourrez l'écouter sur le site de ckrl.qc.ca. Vous allez dans la programmation, vous cherchez l'émission Le Grain de Sable, vous cliquez et vous allez arriver sur la page où sont tous les podcasts de l'émission, les derniers podcasts de l'émission. Sinon, ceux des semaines antérieures et même des années antérieures sont sur notre blog legraindesable.qc.ca. Alors, c'est Michel Monette au micro qui vous dit au revoir et à une prochaine. Le grain de sable d'État Québec. D'abord, avant de vous dire au revoir, je tiens quand même à remercier nos invités de cette semaine, Louis Gill et Mme Julie Miville-Deschênes. Mme Deschênes est du Conseil du statut. Mme Miville-Deschênes est du Conseil du statut de la femme. Louis Gill est un économiste à la retraite. Donc, je tiens à les remercier vivement d'avoir participé à notre émission. Et également Nicole Moreau qui fait une fois par mois une chronique toujours aussi intéressante. La semaine prochaine, ce sera Renaud Blais qui aura sa chronique. Et Renaud entreprend une nouvelle série de chroniques. Une nouvelle série de chroniques qui va porter davantage sur les immigrants qui se sont installés ici. Donc, sans plus tarder, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne fin de semaine d'abord, évidemment, et bonne semaine. Au revoir. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. À la recherche d'un traiteur avec un chef issu des meilleurs restaurants de Québec mais qui vous offre un excellent rapport qualité-prix? Pensez à Équilibre Boutique Traiteur. Installé dans le Vieux-Port de Québec, il vous propose en salle à manger des menus à partir de 14 $ et un menu du soir en dégustation à l'aveugle sur réservation. Également disponible un service de boîte à lunch pour le bureau ou de chef à domicile. Équilibre Boutique Traiteur, la solution traiteur pour recevoir chez vous, dans vos événements ou dans notre restaurant. Équilibre-traiteur.com. Cet hiver à Télé-Québec. Réchauffez vos soirées avec Belle et Bomme. Sur scène ce soir, voyez Heavy Sounds, David Jalbert, Karim Ouellet, Mado Lamotte au piano à gogo. Belle et Bomme, ce soir, 21h.